Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale, Kevin Laramé avec Ludovic Martin ce soir à Commercial Le Kurosawa sur les réseaux sociaux. Ludovic, bonsoir. Bonsoir Kevin. Tout départ, on va prendre en première émission de 2018, on revient d'une petite pause du temps des fêtes. Il ne s'est pas passé grand-chose dans les nouvelles pour l'Impact de Montréal. Nouvel entraîneur, évidemment. Nouvel entraîneur à la place de Mauro Biello, Rémi Garde. Grande expérience à Lyon aussi. Pas très belle expérience à Aston Villa, mais il y a quelques expériences en Angleterre. Ça a pas seulement bien été. Mais Rémi Garde vient rien d'arriver à Montréal la semaine passée. Aujourd'hui, la première journée, tout le monde est arrivé. Tout le monde se prépare pour le 23 janvier, début du camp d'entraînement. Quelles sont tes impressions lorsque tu as été mis au courant que Rémi Garde est le nouvel entraîneur de l'Impact de Montréal? Ben pour moi, c'est une signature qui est au poste d'entraîneur qui est intéressante, qui démontre une certaine vision au niveau du futur, puis surtout des jeunes, parce que Garde à Lyon faisait beaucoup jouer ses jeunes. Il était à un certain moment donné en charge de l'académie aussi. Alors, ça devrait aider à former leur élève, puis de faciliter la transition entre l'impact U18-19 et le club pro. J'espère qu'il y a des Québécois qui réussiront à se démarquer sous sa gouverne. Oui, c'est toujours ce qu'on espère aussi, qu'il y a des Québécois qui se développent et qui sont capables de jouer au niveau demandé de l'entraîneur. Ce n'est pas forcément qui était le cas sous Mauro Biello. Certains joueurs ont réussi à avoir du temps de jeu. Certains autres joueurs, comme Anthony Jackson-Lamelle, ont dû se battre pendant des mois pour avoir même un temps de jeu qui n'était pas nécessairement égal à ce qu'il méritait. Mais lorsqu'on regarde au début, Rémi Garde, il arrive à Montréal. Il y a eu des gros échanges. Laurent Simon, parti. Maintenant sous les cieux de Los Angeles, sous les tropiques à comparer à l'hiver de Montréal. Je le blâme pas, je serais pas mal heureux si c'était Laurent Simon en regardant la température à l'extérieur. Mais si on regarde sur le vestiaire, Rémi Garde a un peu mis le piton reset, comme on pourrait dire en bon français, est arrivé à Montréal et a décidé de manier ce vestiaire en repartant un peu à zéro. Oui, ben pour moi, c'est l'année qu'on va vivre, qui s'en vient, l'année 2018. Ça va être un peu une période de transition parce qu'on part vraiment de loin. En plus, on a enlevé des éléments comme Bernard Dello, comme Simon. Bernier est parti, Camara est parti, peut-être Gemayli, on dirait bien. En tout cas, au moment où on se parle, il n'y a rien de confirmé à 100%, mais ça regarde pas bien. Alors, on part de loin, vraiment loin. Alors, je crois que cette année, les attentes, on ne peut pas vraiment dire que... qu'on peut avoir des attentes très élevées parce qu'on n'a aucune idée où on s'en va. Par contre, en même temps, ça lui donne un peu carte blanche pour bâtir ce que lui, il veut faire, selon ce que lui, il aime. Alors, il n'est pas pris avec des éléments nécessairement qui ne vous fitteront pas dans son système de jeu ou quoi que ce soit. C'est à lui de bâtir en conséquence. Puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais oui, c'est intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va s'aligner. Il y a une certaine panique qui s'installe tranquillement sur le hashtag IMFC, je ne vous conseille pas toujours d'aller vérifier, mais si jamais ça vous tente, il y a un certain esprit de panique, j'ai l'impression, qui s'installe, mais je veux qu'on ralentisse un peu, qu'on pèse sur la pédale de frein, parce que on est encore tôt. Si on regarde les grosses signatures des dernières années, les Joseph Martinez de Atlanta est annoncé un 2 février. Il y a beaucoup de joueurs qui sont annoncés fin janvier, début février. On est encore tôt dans le processus de recrutement, dans le processus de manier le personnel joueur de l'Impact de Montréal. Et Rémi Garde vient d'arriver aussi. Il y a une certaine courbe d'apprentissage qui doit se faire, juste pour savoir comment qu'on doit aller chercher un joueur. Parce que le piton reset, comme on dit, pour l'Impact de Montréal, le balai a été sorti. Et c'est pas juste Mauro Biello en tant que tel. Il y a beaucoup d'autres entraîneurs, partie du staff qui ont malheureusement quitté l'Impact. Donc, je ne m'attendais pas non plus à beaucoup de signatures dans le temps des fêtes. Ben non, c'est normal, mais c'est surtout qu'on a beaucoup de vues de rumeurs passer, puis il n'y a jamais rien qui se concrétise, mais c'est correct aussi, c'est normal qu'il y ait beaucoup de rumeurs parce qu'il y a beaucoup de besoins. Alors, s'il n'y avait pas de rumeurs, là, je m'inquiéterais un peu plus. Ça voudrait dire qu'il ne se passe pas grand-chose vraiment, mais là, en coulisses, en arrière-scène, c'est certain que ça travaille, puis bon, ça ne se concrétise pas toujours, mais c'est ça aussi le football. N'importe quel sport, ça ne peut pas toujours fonctionner, mais ça va finir par arriver, là, ça c'est certain. On entend le nom de l'Impact de Montréal sortir beaucoup de l'Europe, de Gianluca Marzio, qui est Tutol Calcio Football, un site de rumeurs italien, mais qui a quand même un bon pourcentage d'efficacité, si on pourrait dire. Un bon pourcentage au bâton. Il y a une bonne moyenne au bâton. Et Dimali est le grand sujet de discussion présentement. Au début, on entendait parler que Dimali voulait retourner en Europe pour garder la forme en vue de la Coupe du Monde, pour ne pas avoir une grande pause comme c'est le cas en MLS. Mais lorsque le temps passe, c'est plus compliqué que ça. On sait que Dimali est en procédure de divorce, malheureusement. Il désire avoir la garde de ses enfants en Europe aussi. Donc, il y a cet aspect-là, il y a cet aspect, le joueur a... Côté familial, côté professionnel, c'est pas nécessairement la meilleure expérience de sa vie à Montréal. On l'a tous vu jouer. On l'a tous vu à quel point la patience envers les coéquipiers, envers les arbitres, envers le jeu en tant que tel, n'était pas les plus élevés. Il n'y avait pas le plus grand plaisir, mettons. Mm-hmm. Et je pense que ça vaut quelque chose aussi, avoir du plaisir dans son travail. Et pour lui, retourner à Bologne peut représenter cela. Je le blâme pas. Honnêtement, je le blâme pas de vouloir retourner en Europe. Mais où ça laisse l'impact? Est-ce que Taider est vraiment la solution? Est-ce que un autre joueur ailleurs, où est-ce qu'on a le temps d'aller se retrouver, de se retourner et d'aller chercher un autre joueur? Quand même beaucoup de questions présentement. Ben moi, je crois que pour l'impact, c'est un mal pour un bien parce que on n'a pas le choix de toute façon. À un moment donné, il faut être humain aussi. S'il veut retourner en Europe pour sa famille et tout, c'est correct, tu y vas, c'est tout. Mais pour l'impact, le timing est parfait parce que là, on a le temps de le remplacer. Si ça arrive au mois de mai prochain, puis que là, il dit ben, « je m'en vais au 1er juillet », c'est drôlement plus compliqué. Tandis que là, le temps est bon pour faire ce move-là. Pour moi, après, qui vient à sa place? Y a plusieurs options qui sont possibles, mais Taider va être une bonne. Après, c'est à garde de voir comment il veut faire son équipe. Mais oui, c'est sûr que c'est malheureux parce qu'avec Jemaili, il y a un potentiel énorme. Il n'était pas dans les meilleures conditions qui soient pour réussir. Puis, il ne le serait pas non plus s'il commencerait la saison ici au mois de mars. Alors, le cœur, il ne serait pas peut-être aussi bien de le laisser aller dans ce cas-là. Non, c'est un Suisse. La Suisse s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc, durant cet été, un mois et demi de temps, oui. Quasiment deux mois, il va être parti. Mm-hmm. Et la MLS, avec le calendrier qu'on a vu qui est sorti, affecte majoritairement la Coupe du Monde. Il n'y a même pas deux semaines que la Coupe du Monde, il y a une pause en MLS. Donc, un Laurent Simon aurait grandement affecté. La perte de Laurent Simon, d'un côté, est dommage. Mais de l'autre côté, c'est un joueur que tu ne manqueras pas cet été durant un mois et demi. Même chose pour un Dimaili. Et Taider, un Algérien, si jamais c'est le cas, qui vit à Montréal, bon, l'Algérie ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Comme les Américains, les Algériens est un bon choix en 2018 parce qu'il ne manquera pas du temps de jeu cet été. Non, on pense, on a ici devant nous le roster, l'alignement de l'impact. Ce que je remarque, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Il manque plusieurs joueurs à certaines positions. On a beaucoup d'attaquants, mais la majorité des attaquants qu'on a, on ne les a jamais utilisés en attaquant. On a les Salazar, les Dominique Anduro, qui d'autres aussi. Les Nick Depi, Dominique Anduro, Salazar, Mankosu et Anthony Jackson-Amel. Est-ce qu'on va avoir un entêtement encore à faire jouer Mankosu? Mankosu a apparemment refusé certaines offres européennes pour rester à Montréal, mais Mankosu en 2017 n'était aucunement la solution. Ouais, ben moi, je crois que le gars a droit à une deuxième chance. Pas nécessairement que ça va fonctionner, mais ça pourrait quand même. Enfin, moi, de ce niveau-là, je suis. Pour moi, c'est pas le besoin le plus pressant. Jackson Hamel, c'est fiable, c'est correct. Après, faut voir, là. C'est sûr qu'avec seulement Mankosu puis Jackson Hamel, parce que depuis, c'est pas trop, Salazar a duré au bof. Là. Mais il y a quand même une certaine. Il y a un choix. Si on joue à un seul attaquant, t'as quand même un choix. Mais bon, après, faut voir, là. C'est pas automatique non plus. Mais c'est certain que si on peut se renforcer cette position-là, c'est pas mauvais. Est-ce que ça passe par nécessairement remplacer Mankosu? Pas nécessairement. Là. Non. Ouais. On espère aussi que seulement le temps de jeu de Jackson Hamel va augmenter aussi. On va voir avec Rémi Garde, voir si c'est seulement un joueur, un profil de joueur qui intéresse dans son système de jeu. Donc, parce qu'on a beaucoup de questions envers Rémi Garde et le système de jeu. Quand on n'a pas commencé, donc c'est beaucoup trop tôt pour savoir quelles seront les décisions tactiques d'un Rémi Garde, mais c'est les joueurs qu'on a sous contrat présentement. Au milieu, évidemment, Ignacio Piatti est la pièce angulaire, mais Ignacio Piatti demeure le cœur, le corps, la colonne de cette équipe et dernière année de contrat pour Nacho Piatti avec l'accord de 6 mois ou l'accord de terminer 2018 qui a été conclu quelques mois maintenant. Je me demande si c'est maintenant ou jamais pour un Nacho Piatti. Je me demande si à quel point l'intention de vouloir être à Montréal pour gagner, pour, pas juste pour avoir un bon salaire dans un environnement sécuritaire, dans un environnement stable, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans certains clubs en Argentine. Je me demande à quel point la victoire et tout est importante, et je me demande si il est convaincu qu'il peut avoir du succès à Montréal si jamais il n'est pas aussi entouré qu'il le désirait. Ben, je crois que ça va être un peu plus difficile pour Nacho cette année, ne serait-ce que parce qu'il va avoir beaucoup moins d'Argentins autour de lui. Il a perdu des Romero, Bernardello aussi, qui étaient des amis. Mais c'est quelqu'un qu'il faut motiver aussi un peu. C'est pas nécessairement simple. Ça va être curieux de voir comment Garde va gérer la personnalité de Nacho, parce que c'est un bon joueur, mais des fois, il a besoin qu'on le pousse un petit peu. Sans dire qu'il tombe dans la complaisance, je crois qu'il se doit d'être rappelé de sortir de sa zone de confort durant la saison à quelques reprises. C'est ça. Si on remarque, lorsqu'il était vraiment motivé cette année, lorsqu'il était en discussion justement de lorsqu'il faisait les mouvements vers la foule et contrat et tout, il était en feu, Nacho. Marqué 4-5 buts en 3-4 matchs. C'était un autre Nacho qu'on a vu à la fin de la saison et au début de saison. Oui, puis Nacho aussi, c'est quelqu'un qui va créer des habitudes avec un ou deux autres joueurs. Alors, avec Romero, quand Romero était en forme, ça allait vraiment bien. Là, après, l'an passé, plus ou moins, mais c'est de voir, avec Mancosu aussi, il y a deux saisons, ça allait vraiment bien aussi. Alors, c'est de voir s'il va être capable de se trouver des complices pour mener l'attaque de l'équipe dans l'effectif qu'on a présentement. Ce ne sera pas simple, je crois. Un des mouvements de l'Impact durant la saison morte qui a été surprenant, c'est l'arrivée de Raheem Edwards au repêchage d'expansion. On ne s'attendait pas nécessairement à voir Raheem Edwards devenir un joueur de Montréal. Une grande surprise, le LAFC réclame Raheem Edwards et l'échange à l'Impact de Montréal. Un joueur qui pourrait amener un petit peu de sang nouveau. Un joueur qui n'a pas d'histoire à Montréal. Un joueur qui était justement l'histoire contre Montréal. Toronto vient de gagner le championnat. La meilleure saison de l'histoire a devenu un joueur très utile à Toronto et est parti de rien. Et je pense que ça vaut beaucoup. Et maintenant, on se retrouve dans une situation où ce qui se doit de prouver qu'il vaut ce qu'il a eu à Toronto, de prouver sa place, ici, et d'être capable de trouver du temps de jeu. Et je pense que ça doit fouetter les autres joueurs qui sont encore à Montréal, qui ont eu une mauvaise saison l'année dernière. Je pense que l'arrivée de Raheem Edwards pourrait provoquer une réaction en chaîne et motiver d'autres joueurs au milieu de terrain. Ben moi, je suis surtout content parce que c'est un jeune Canadien. Alors, en tant que fan de l'équipe nationale du Canada, je peux pas être malheureux. Mais je le vois surtout comme pour cette année, du moins, puis peut-être après, comme une doublure à Nacho un peu pour l'épauler un peu du côté gauche, parce qu'on peut pas juste faire jouer à Nacho tous les matchs, toutes les minutes. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un pour prendre sa place. Puis il n'y avait pas vraiment personne l'an passé qui faisait le travail efficacement du côté gauche. Alors, je crois qu'Edwards pourrait être capable d'aider. Tu sens que le niveau ne descend trop une fois que Nacho est sorti du terrain. Fait que pour moi, c'est intéressant comme arrivé. Moi, la grande question que je me pose, David, c'est est-ce que 2018 est une année de reconstruction? Je sais qu'on est trop tôt encore en janvier pour répondre à cela, mais est-ce qu'on se doit, en tant que supporter, en tant que fan, ceux qui écoutent l'émission, est-ce qu'on se doit d'être patient en 2018 et de peut-être accepter une autre année difficile pour se retourner vers le futur avec peut-être de plus grandes options devant nous? Ben pour moi, oui, parce que ne serait-ce que parce que Garde ne connaît pas la MLS, il n'est pas habitué à tous le calendrier, les voyages, les arbitres qui sont so-so. Déjà, juste ça, sans même parler de l'effectif, fait qu'il y a une certaine période d'adaptation qui va être nécessaire pour l'Impact. Si tu regardes l'effectif en plus, qui est assez dégarni, ou du moins pas tout à fait de niveau, c'est certain qu'il y a des joueurs dans l'effectif qui sont encore là aujourd'hui, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Lefebvre, Boldor, entre autres. Mancosu, on semblerait qu'il revient. Jemaili, pas vraiment. Après, au niveau des gardiens, est-ce que ça va être vraiment ça? Qu'est-ce qui l'Impact avait repêché? On se rappelle, et Maxime Crébourg a peut-être demandé d'être échangé il y a quelques semaines. Exactement, oui. L'Impact avait repêché Clément Diop pour avoir l'option de le signer. Ça, il ne s'est rien passé. Est-ce qu'il va être au camp ou pas? Alors, pour moi, on peut pas trop, du moins à ce moment-ci, au début janvier, avoir des attentes très élevées. Ce serait réaliste de dire « Ah, ce club-là va faire les séries. Ben, » non, ben non. Et si on regarde à quel point le temps passe vite en MLS, Toronto est devenu une des meilleures équipes que la Ligue a jamais vue. Et des équipes comme Atlanta, qui n'existaient même pas il y a 12 mois, sont devenues aussi des adversaires de grande taille dans la conférence de l'Est. Et il y en a d'autres aussi. On rajoute les deux équipes de New York. On est rendu à quatre, là. Oui, quatre équipes qui sont dures à battre et quatre équipes qui vont nous dépasser au classement. Oui, déjà dans l'Est, c'est compliqué à la base. Alors, c'est certain que ce ne sera pas simple. En plus, ajoute que Nouvelle-Angleterre va probablement être meilleure encore aussi. Ils ne peuvent pas être pire, ben. Non, mais avec leur nouvel entraîneur, ça devrait aider aussi beaucoup. Alors, ce ne sera pas simple pour l'Impact. Puis, je crois qu'il faut être patient. Puis, c'est normal, on part de loin. Puis, en même temps, tu parles d'Atlanta, c'est peut-être un peu plus simple avec une équipe d'expansion parce que, justement, tu n'as pas de bois mort à te débattre. Tu ne tires pas de boulets. Là, il y a un peu de... Il y en a quelques boulets. Les oui, boulets, c'est ça, qu'on n'est pas certain vraiment. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais les boulets comme Oduro. Ça me fait mal au cœur, je l'adore. C'est une de mes personnalités préférées dans la ligue, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rebondir. Il y a eu une mauvaise saison, mais... C'est clair qu'il y a des limites au Duro. S'il n'y avait pas de limite et que sa vitesse, il serait plus un MLS. Là. Moi, je blâme Pizza. Parce que depuis qu'il a signé le contrat de commandite, là, c'est plus le même joueur. Il y a de quoi dans le fromage. Ouais, le pepperoni est un petit peu trop gras, peut-être, en tout cas, mais je pense que c'est un passé-y bien. Et c'est vrai, l'alignement de joueurs va changer. Ce qu'il y a sur papier présentement, c'est pas ce qu'on va voir au terrain le 4 mars contre Vancouver. Ben, espérons. C'est vraiment quelque chose qu'on doit espérer parce que sinon, la saison va être vraiment longue. Mais faut pas s'attendre à des miracles non plus. Bon, on regarde 2018 avec un certain optimisme, mais une certaine réserve aussi pour le futur parce que l'Impact, des fois, pas juste l'Impact, je pense dans le sport en général, des fois, faut finir dans le bas-fond pour mieux créer. C'est dommage que au Super Draft, on n'a pas de game changer vraiment dans le Super Draft qui pourrait arriver comme un... J'aime pas ça faire des il n'y a pas de Messi. Je m'en vais faire une allusion au hockey. Il m'a dit, il n'y a pas de Sidney Crosby. OK, laisse faire une allusion au soccer. Il n'y a pas de Messi dans le collège américain ou dans le U-Sports. Non, c'est des joueurs qui vont peut-être te servir d'ici un ou deux ans. Si. C'était vraiment chanceux. Là. On a chialé contre Callum Mallis combien de temps? Là? Mais Callum Mallis, c'est un des joueurs de Super Draft qui a joué le plus depuis 2012. Oui. Puis bon, c'est un joueur honnête, là, utile, et puis avec une passe mémorable qui a fait vivre des émotions intenses. Mallis à Porter, après, les deux joueurs. C'est la MLS, ça prend ça. Des joueurs comme ça. C'est ça qui se passe. Donc, on va clore cette partie de l'émission en disant, OK, on va peut-être devoir accepter une 2018 difficile pour peut-être avoir un 2019 qui a de l'allure. Et je pense à Patrick Vieira, qui est un exemple d'entraîneur étranger, qui arrive en MLS avec un grand bagage d'expérience en Europe, en France, et se retrouve en MLS avec New York. Première année, pas trop facile, il a dû apprendre beaucoup, et oui, en série, il se doit d'apprendre encore, mais... Durant les deux dernières saisons régulières, NYCFC était une des meilleures équipes de la Ligue. Et je pense que si on regarde cette façon de faire, peut-être que l'Impact a trouvé un bon choix en Rémi Garde en espérant, OK, une année de transition, une année d'apprentissage, et 2019 pourrait au moins peut-être connaître quelques bons résultats. On l'espère. Alors, maintenant, on va juste terminer 2017 en parlant un peu des performances québécoises à l'étranger qui t'ont marqué, Ludovic. On a eu des joueurs qui ont fait des grandes choses en 2017 à l'extérieur. Par où veux-tu commencer? Ben, pour moi, c'est une joueuse. La joueuse qui s'est le plus démarquée, et puis plus que n'importe quel joueur masculin, c'est Gabrielle Lambert, la gardienne de Albi en première division en France. Elle jouait ici au niveau, je sais pas exactement où à l'université, mais elle a fait un peu la W League. Quand la W League est morte, elle s'est retrouvée devant rien. Puis elle est allée en France en début de la saison 2016-2017. La première moitié de saison, elle n'a pas joué. Albi était dernier ou avant-dernier. Puis à la pause, elle s'est retrouvée dans les buts. Et puis à partir de ce moment-là, sans que ce soit incroyable, parce que c'est un petit club Albi, en France, au niveau féminin, le club s'est mis à aller un petit peu mieux, puis tranquillement, pas vite, à remonter au classement, puis à éviter la relégation, ce qui était déjà excellent. Et puis, depuis le début de l'année, elle continue sur sa lancée aussi pour la saison 2017-2018. Ça va quand même assez bien. Le club est pas nécessairement en danger de relégation. Évidemment, c'est pas au niveau d'un Lyon ou d'un Paris, parce qu'ils n'ont pas un tel budget. Mais de voir une gardienne québécoise qui joue en W League, qui se démarque en France, qui est quand même une des, sinon la meilleure ligue féminine au monde. C'est assez intéressant de voir ça. Puis c'est aussi intéressant de voir que son exemple a fait que les clubs français se sont retournés un petit peu vers le Québec, Puis aujourd'hui, au moment où on se parle, dans les deux premières divisions en France, il y a 6 Québécoises qui jouent. Alors, Gabrielle a un certain rôle à jouer là-dedans. Une pionnière d'un certain niveau. Et tu parlais de la W League, je m'ennuie des Comètes de Laval, ce qui était l'équipe, les Comètes de Laval, évidemment, l'équipe du Québec, qui était en W League. Une des grandes victimes de la fin de la W League, c'est des Comètes de Laval. Et là, il y a eu la... Oui, il y avait une équipe à Québec aussi, dont je me rappelle plus. C'était pas les Citadelles, non? Non, l'Amiral, je crois. Ouais, je me rappelle. Qui avait eu deux ou trois saisons, quelque chose comme ça. Alors, c'était bien aussi parce que tu avais les joueuses d'ici qui avaient, même si c'était pas le top niveau professionnel, il y avait quand même un débouché où elles pouvaient jouer. À part la ligue universitaire, présentement au Canada, il n'y a plus d'endroit. À part là, après l'université, même avant l'université, puisque souvent les joueuses qui jouent universitaire ont joué professionnel, souvent dans la NWSL ou ailleurs, mais se retrouvent devant presque aucune opportunité de jeu. Mais là, il y a la Ligue 1 Ontario, il y a un pendant féminin, puis la PLSQ, il devrait y avoir un pendant féminin aussi bientôt. Ça fait quelques années qu'on entend parler, ça s'en vient. Donc ça devrait aider un peu, mais il reste que... Mais c'est justement, c'est plus facile d'avoir des opportunités pour aller à un plus haut niveau. Si tu as la Ligue 1 puis la PLSQ, si t'as pas ça, c'est plus difficile d'évoluer un peu. T'as pas le choix d'aller d'espérer trouver une place en WSL. Puis honnêtement, il n'y a pas beaucoup de Québécoises qui l'ont fait. Il y a José Bélanger qui l'a fait une saison et demie. Rian Wilkinson une saison et c'est tout. Non, il y a les Jesse Fleming, les Kadisha Buchanan de ce monde. Mais en dehors du top 0.1% des joueuses féminines, là, en dehors des talents générationnels, que je pourrais dire. Il y a Christine Sinclair, Kadisha Buchanan, Jesse Fleming. C'est pas mal ça. Là. On parle de talent générationnel, mais en dehors, le reste du monde, les Melissa Tancredi, les Diana Matheson, se doivent d'avoir un endroit stable pour jouer. Maintenant, oui, l'Europe se retrouve une bonne option. Oui. NWSL, c'est pas comme c'était au début. Malheureusement, au début de la Ligue, l'Association canadienne de soccer, la Fédération mexicaine de football et l'Association américaine de soccer subventionnaient la Ligue. Maintenant, c'est pas au même niveau. En tout cas, pas pour le Canada et pas pour le Mexique. Donc, c'est pour ça qu'il y a un certain exode de talents mexicains et canadiens en l'extérieur de NWSL. Oui, parce puis que... les salaires sont plus élevés aussi quand tu te retrouves, surtout pour les joueuses plus talentueuses, quand tu te retrouves en France ou même en Allemagne ou en Suisse même. C'est souvent que les coûts de la vie vont être couverts. Je pense que c'est une grande différence parce que loger et nourrir au centre d'entraînement quelques fois par semaine, ça fait une grande différence lorsqu'on parle de l'euro contre le Canada canadien. Donc, une performance féminine, côté masculin. Je retiens surtout deux anciens du FC Montréal qui étaient en USL, Masta Kacher avec Colorado Springs, puis Alessandro Reggi avec Phoenix. Les deux ont réussi à vraiment s'imposer dans leur club. Reggi, malgré quelques blessures, ont marqué des buts, étaient des rouages importants de leur équipe. Kacher, son club, Colorado Springs, a raté les séries de peu. Alors que Reggi a réussi les séries, se sont fait éliminer en première ou en deuxième ronde au tir au but. Alors pour moi, ces deux joueurs-là, c'est les deux joueurs qui ont vraiment réussi de continuer malgré la disparition du FC Montréal. Ouais. Ah, ça fait encore mal. J'ai encore mal quand je pense à l'FC Montréal. Justement, je parlais hier. Demain soir, j'ai un enregistrement spécial, une interview spéciale cette semaine avec un ancien de ce Montréal, justement Zachary Sukunda, qui vient de signer avec Hume City de FC à Melbourne, en Australie. Donc demain soir, je m'entretiens avec lui pour justement parler un peu de cette transition post-FC Montréal. Alessandro Reggi, qui a eu la chance de jouer quelques fois avec Didier Drogba cette année Phoenix, avec le Phoenix Rising. Et Masta Kacher, qui a marqué un des plus beaux buts de l'année en USL, qui a été finaliste pour le but de l'année. Et oui, tu parles de deux joueurs qui ont réussi leur poste FC Montréal et peut-être éventuellement se retrouver avec une chance à un plus haut niveau. Alessandro Reggi va faire un retour avec le Phoenix cette année. Il a été le premier joueur signé pour 2018 par Phoenix. Masta Kacher, je ne suis pas inquiet non plus. Mais c'est dommage qu'il y a plusieurs joueurs comme ça qui n'ont pas réussi à percer l'alignement de Montréal. Et on parle d'Alessandro Reggi. C'est parler de blessure et Reggi dans la même phrase, je pense que ça va ensemble, mais... Je me sens encore mal pour lui début 2016. Mm-hmm. C'était son année. Là. Il a connu une année 2015 du tonnerre avec le FC Montréal. Allait faire la transition avec le grand club. Était présent juste avant le début de l'entraînement. Il était avec les joueurs. Ça allait être annoncé. Oh oui, il va faire partie. Blessure. Mauvais timing. Au genou cette fois. Ça a duré des mois et des mois. C'est dommage à quel point, des fois, on oublie à quel point une carrière ou une opportunité de carrière peut être si fragile. Oui, mais ça tient à pas grand-chose. Hein. C'est bien un beau. Ligament. Ça tient par un ligament. C'est bien beau le talent et tout. Tu auras beau avoir le plus beau talent du monde, mais ça prend de la chance aussi. Ça prend fois la question de timing, d'être au bon endroit, au bon moment, de réussir le. Puis après, s'il n'y a pas un recruteur à un endroit ou si tu te blesses à un mauvais moment, ça peut partir en fumée en claquant des doigts. C'est vraiment difficile. Parce que je pense à ça aussi, je pense aux jeunes joueurs qui nous écoutent, les clubs Fabros de ce monde, les Delta, on parle de PLSQ, mais il y a la première ligue de futsal aussi qui s'en vient d'option. Puis en PLSQ, ça c'est ma résolution de 2018, tu devais que je te mentionne tout de suite, c'est de porter une plus grande attention à la PLSQ. Autrefois, je trouvais que la PLSQ tirait de l'arrière aussi par rapport à la Ligue 1 Ontario. On parle de semi-professionnel Division 3. Et il y a une certaine manière d'agir en tant que plus semi-pro que Division 3. Et tranquillement, la PLSQ, selon moi, c'est de plus en plus vers Division 3 que semi-pro. Et je commence à trouver l'aspect développement des jeunes de chaque association municipale qui devient partie de la PLSQ. Je trouve cet aspect-là de la Ligue est vraiment l'aspect qu'il faut promouvoir. Et je pense que 2018 va être une grande année pour la PLSQ. Oui, puis il suffit de regarder les jeunes de l'Académie de l'Impact. Beaucoup viennent des clubs de jeunes, des clubs de PLSQ, que ce soit Mont-Royal, que ce soit Blainville, que ce soit Longueuil. Ces jeunes-là, ils bougent, ils vont se former là, puis après, ils reviennent, ils font... Alors, il y a des échanges entre les deux, puis ça, c'est intéressant aussi. Ça montre que le foot est vivant ici au Québec. Puis après, ça permet aussi aux joueurs de continuer à essayer d'espérer, parce que tu te fais que tu arrives à 19 ans avec l'Impact, si t'es pas avec le grand club, c'est fini, tu fais quoi? C'est pas nécessairement simple que tu vas te retrouver tout de suite une place ailleurs en USL ou que tu vas être capable de faire. Alors de jouer un peu en PLSQ éventuellement, je crois que ça peut être une vitrine qui peut devenir intéressante pour les joueurs, parce que c'est correct aussi de voir des joueurs comme Sukunda qui va en deuxième division en Australie. T'es pas obligé de faire carrière en MLS, là. Tu peux faire carrière ailleurs. Exactement. Et c'est une des choses que je veux parler justement à Zachary demain. Et on parle souvent de ça c'est pas le meilleur, pourquoi jouer si t'es pas dans le top, pourquoi jouer. Non, t'es payé pour jouer au soccer, pour faire ce que t'aimes le plus au monde. Tu fais dans une autre ville, tu voyages, tu vois du pays, tu fais des amis, des connexions. T'apprends des choses et puis... T'apprends des langues, t'apprends une culture. Mm-hmm. Je pense qu'on oublie à quel point des fois, juste être capable de faire carrière dans le soccer à temps plein, peu importe le montant, salaire, c'est ça. Importe quelle ligue, je pense qu'il y a de quoi, il y a de quoi de positif là-dedans. Oui, puis t'apprends des choses, puis c'est un bagage qui peut te servir après dans la vie. Si tu reviens ici, que tu deviens directeur technique d'une équipe ou coach ou whatever, il y a moyen de ça peut servir à quelque chose. C'est pas tu vis d'une passion. Alors, moi, j'admire les gens qui font ça. Je trouve qu'il y en a trop peu. Non, et on est vite à juger aussi. Hein. Oui. On parlait de Zachary Sukunda, Yann Filion aussi qui joue ensemble à Umeå FC, deux anciens d'FC Montréal qui ont fait le voyage en Suède. Oui, ensemble. C'est en Suède, c'est bon. La géographie. En troisième division en Suède. Ouais, c'est sûr que d'ici, ça a l'air de rien, mais c'est une belle opportunité. C'est quand comme même. Jouer d'une petite ville, genre comme. Ben, dire Laval, mais c'est encore plus petit que Laval. Mais moi, je viens de Saint-Hyacinthe, c'est comme jouer. C'est comme jouer pour Saint-Hyacinthe. Mais imagine, Saint-Hyacinthe a une équipe pro, puis qu'il y a du monde qui vont l'avoir joué, puis qui paye leur billet. Puis c'est aussi valide que jouer pour Phoenix. Oui, même s'il y a 5, 6, 700, 800, 1000 personnes dans le stade, c'est pas plus grave. Je veux finir l'émission, Ludovic, en parlant de la Ligue canadienne de football. La première Ligue canadienne de football, qui va peut-être s'appeler comme ça, on sait pas. C'est encore spéculation, mais. En 2018, on se rapproche peut-être d'un début en 2019. On parle de beaucoup des joueurs du FC Montréal qui ont eu l'opportunité ailleurs, beaucoup qui n'ont pas eu. J'ai juste les John Dinkota dans la tête et d'autres joueurs comme ça. John Dinkota est en France. Hein? En France, en quatrième division en France avec Jura Sud. Bon, ben voilà. C'est bon. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu l'opportunité aussi. Hein? Et Victor Ndia de ce monde qui ont fini en PLSQ justement. Oui, puis il est en France aussi. En France, bon, ben voilà. mais j'ai hâte que ces joueurs-là... J'ai hâte que c'est des joueurs de ce niveau-là vont avoir peut-être des opportunités au Canada éventuellement. Oui. Ben justement, c'est ça qui va arriver. Ça va faire donner une autre option aux joueurs de PLSQ, les meilleurs de PLSQ, de peut-être passer à un autre niveau puis gagner un peu mieux leur vie aussi. Je pense entre autres à un joueur comme, par exemple, je ne sais plus où il va être cette année, là, mais comme Cédric Carrier, qui était à Brossard il y a quelques années, qui était à Longueuil, qui était à Lakeshore aussi, je crois, qui est un excellent joueur. que personne connaît parce que c'est la PSQ, puis qui a pas nécessairement eu d'opportunité à aller ailleurs, mais qui a du talent, beaucoup de talent, parce qu'il y a du talent en PSQ. Les Federico Mougen de ce monde, oui, c'est une superstar, Federico Mougen, en Amérique du Nord, à cause du fait qu'il joue dans plusieurs différents types de soccer. Oui, beach soccer, bon, soccer, futsal, c'est intérieur, ça. Extérieur, peu importe, il est là. Mais des carrières comme ça, je pense que on va pouvoir les voir jouer à un niveau canadien comme la Canadian Premier League, qui pourrait être une bonne option. Mais ma question que je vais te poser, est-ce que une équipe au Québec, une équipe à Montréal, une équipe peut-être à Québec ou une Trois-Rivières, ou est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir une autre identité soccer au Québec que l'Impact? Moi, je crois que ça va être très difficile. J'espère que oui. J'espère fortement que oui. Mais est-ce qu'il y a... En partant, ça prend un propriétaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des sous puis qui est prêt à en mettre là-dedans puis à en perdre, parce qu'on s'entend qu'ils feront pas d'argent avant un bout, là. C'est ça. T'investis pas... Mais on parle d'investissement. C'est pas vrai. C'est pas un investissement de sport professionnel tant que ça, là. C'est beaucoup plus un jouet que je me paie. Oui, c'est une perte financière. C'est arrondir la fiscalité d'une autre compagnie maintenant. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un au Québec, en partant, qui est prêt à investir là-dedans? Je sais pas. Parce que le soccer au Québec, c'est la famille, c'est plutôt, c'est l'Impact. Puis ça prend beaucoup de place. Est-ce qu'il y a vraiment de la place après? J'espère que oui. J'espère qu'on est rendu là. Mais je suis pas certain qu'il va vraiment y avoir. Bon, du moins, pas au début de la Ligue. Peut-être après 2 ou 3 saisons, que si la Ligue est plus viable, quelqu'un va tenter sa chance. Mais moi, j'espère que oui, c'est certain. Parce que je crois que les joueurs d'ici méritent d'avoir des chances ici. Est-ce que ça devrait être fait? Il y a deux modèles, je pense, qu'une équipe de la Canadian Premier League pourrait avoir au Québec. Soit à Québec, soit à Montréal, peu importe. Je pense que ça doit être le sommet d'une pyramide. Je pense que le moyen de faire marcher une équipe de la Canadian Premier League, c'est si c'est, exemple, je vais utiliser... Fab Rose, OK, mettons, parce que c'est à Laval, c'est pas Montréal. Mais exemple, là, que Fab Rose, là, dans leur pyramide, ils ont des équipes élites compétitives qui vont jusqu'à U18, jusqu'en PLSQ maintenant, donc jusqu'en U23. Ouais. Si jamais ils décident d'avoir une équipe, de monter cette équipe-là, puis d'avoir une place pour jouer dans 2-3 ans, puis qui ont un nombre de joueurs de 20 ans et plus, qui ont son calibre, ça serait, je pense, un projet comme ça qui aurait peut-être des chances de marcher, qui partirait justement de pas d'une option, pas d'une vue de faire du profit, mais vraiment d'une vue d'avoir une place à jouer pour une gang de 20 ans plutôt que des joueurs qui sont bons, et trouver un moyen de financer l'aventure de la Canadian Premier League avec un Fab Rose, avec un Monteuil, je dis les Aval parce que c'est là que j'ai joué, là. Mais on pourrait penser à ça pourrait être exemple, Québec là. Aussi. Exactement. Arfab Beauport, hein, les fameux Royal Beauport, mettons qu'ils montent en Canadian Premier League. Mm-hmm. Je pense que ce serait un projet comme ça qui marcherait. Ben oui, je crois que ça faut que ça parte de la communauté soccer en partant, ça c'est certain, mais ça prend aussi un investisseur. Mais si l'investisseur n'est pas sur la même page que la communauté soccer de l'endroit où il va s'établir, qui n'est pas en lien avec un club qui existe ou avec une association, parce que ça peut être l'association aussi, ça peut pas fonctionner si ça se fait pas. Faut que tout ça se fasse, que ça converge ensemble, sinon ça peut pas fonctionner. Mais espérons que ça va arriver. La seule exemple présentement qui... Au début, je pensais que ça ne marcherait jamais. Je me suis dit, juste avec l'exemple du FC Montréal, qui est un échec, malheureusement, côté assistance, côté revenu, FC Montréal a été malheureusement une aventure défectueuse. Mais si on regarde le Rocket de Laval Hockey, l'équipe école du Canadien, c'est la première année, l'aréna est tout nouveau, c'est facile, il y a l'effet de nouveauté, mais il y a un succès, là. Il y a un succès, beaucoup de jeunes qui vont voir une équipe et qui retrouvent goût de voir du hockey, pas en payant 150 millions de dollars leur ticket pour aller voir l'équipe et en ayant du plaisir. Je pense qu'il y a une recette, là. Je pense que si on trouve un endroit qui n'est pas nécessairement Montréal et qui n'est pas nécessairement identifié à Montréal en tant que tel, mais une image de marque identifiée comme l'exemple du Rocket de Laval ou les Royaux de Beauport, je pense qu'au faire vraiment côté familial, ce qui a fait que l'Impact était... était successful, oui, mon mot français. Ce qui a fait que l'Impact a eu beaucoup de succès en NASL, le côté familial du soccer. Je pense que cet aspect-là se doit d'être utilisé en PLSQ encore plus et surtout au projet potentiel en Canadian Premier League. Absolument, absolument. Je suis d'accord avec toi à 100%. Il faut que ce soit près des gens, près de la base des joueurs aussi, pour faciliter que les joueurs montent aussi, puis qu'il y ait une connexion qui se fasse. Puis si c'est dans une communauté, pas nécessairement à Montréal, mais qui est assez serrée, comme bon à Québec ou à Laval, mais c'est certain que c'est plus facile. Ou peut-être à Gatineau, par exemple, parce qu'il risque d'y avoir un club à Ottawa. Alors oui, c'est ça. Mais à Gatineau, c'est certain que le bassin de population n'est pas énorme, mais quand même, ça pourrait y avoir moyen de faire quelque chose. Ludovic, merci beaucoup pour ton temps ce merci soir. Galen. Ça fait un plaisir. Ça fait déjà plus que 35 minutes qu'on parle et je pensais que je venais de commencer l'émission. Qu'est-ce qui retient ton attention dans les prochaines semaines? On sait que le camp d'entraînement commence le 23 janvier pour l'Impact de Montréal. Il y a les nouvelles qui vont commencer à arriver du côté alignement de personnel, côté entraîneur, juste le côté officiel. Oui, ça c'est la première chose. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'ils vont finir par annoncer le staff de Ring Guard, parce que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'il va être avec lui, mais l'Impact n'annonce rien. Ça fait 50 jours que les rumeurs courent à gauche, à droite. Puis au point où on en est, c'est plus des rumeurs, c'est des certitudes, mais toujours pas de communication. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Honnêtement, ça me dépasse. Pour moi, il y a eu beaucoup de longues vacances, mais ouais, c'est grande spéculation. Où il y a eu un gros chambardement dans le département de communication de l'Impact. Et ils ont oublié un communiqué et ils l'ont perdu. Le piton scène est brisé. Ouais, le piton envoyé est brisé, donc peut-être. Mais on va voir, mais il y a quand même beaucoup de dates importantes qui s'en viennent pour l'Impact et pour le soccer de la MLS. Est-ce que tu es LAFC? C'est quelque chose qui t'intéresse maintenant avec le renseignement qui est rendu là-bas? Moi, je suis la MLS en général. J'ai pas d'équipe favorite en dehors de l'Impact, non. Alors, j'essaie d'en regarder le plus que je veux. Je veux voir LAFC, mais après, est-ce que parce que Laurent Simon est là plus qu'une autre? Non, pas plus qu'une autre, pas pour moi. Non, tu ne fais pas partie de ceux-là qui ont renié le bleu, blanc, noir. Oh non, blanc, non. Pour moi, avec Simon, ça fonctionnait pas. C'était pas nécessairement de sa faute. Mais en même temps, on n'a jamais été capable de trouver personne pour connecter avec lui et bien jouer en défense centrale. Des fois, peut-être que de plus l'avoir là, ça va être plus facile de mettre un vrai duo. Pour moi, c'est un peut-être. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça, c'est un des endroits sur le terrain. Je m'ennuie de Gabriel Gervais et Nevio Pizzolito. C'est ça, ouais, la réalité. C'était facile dans le temps. C'était facile de marquer ces deux joueurs-là en premier sur la liste, puis le reste, ça se faisait c'est tout ça, seul. Mais c'était un vrai duo de défenseurs. Les deux savaient exactement tout le temps où l'autre était, qu'est-ce que l'autre faisait. Et on n'a jamais vu ça à l'Impact depuis ce temps-là. Alors, hâte de... Parce que pour moi, l'identité de l'Impact, c'était ça. L'identité défensive. Oui. On n'a pas revu ça depuis très longtemps. Je pense qu'on n'aura pas le choix de voir en 2018 parce que ça va arriver vite. Il va falloir défendre. Oui, clairement. Encore une fois, Ludovic, merci beaucoup. Vous pouvez suivre Ludovic sur les réseaux sociaux Twitter, @lekurosawa. Et moi-même, @KevLaramé. On se reparle très bientôt pour Sur la transversale. Et jusqu'à la prochaine fois, comme à l'habitude, bon soccer.